Ce matin, les oiseaux chantent, je me balade dans la rue. Une demoiselle m'enchante, je l'imagine à moitié nue. Je lui fais des propositions, elle me répond non. Nicolas, le jardinier, sait comment s'occuper des belles plantes. Nicolas, le jardinier, sait toujours quand elles mentent. Et pourtant, je persévère et j'agrémente mon récit. Concernant son anatomie, je lui propose une petite démonstration et elle me répond non. Pierre Belmar sait comment vendre son produit. Pierre Belmar ne l'aurait pas arnaqué sur le prix. J'suis pas du genre à lâcher vite et j'me tape un trip onirique. Je la compare à Aphrodite qui était toute nue sous sa tunique. Je lui demande la couleur de sa toison et elle me répond blond. Julien le Perse pose toujours, toujours les bonnes questions. Julien le Perse serait devenu son champion. Les effets de la drogue s'estompent et je me rends compte qu'elle est moche. Elle met ses pieds sur mes pompes et ses mains dans mes poches. Elle commence à se frotter à mon blouson et je lui réponds non. Gilbert Montagnier ne l'aurait certainement pas vu. Gilbert Montagnier ne l'aurait pas vu toute nue.